Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Valérie, j'ai 37 ans et j'habite à côté de Dijon. J'ai eu une petite frayeur avec mon fils, il avait 39 de fièvre un dimanche matin. Rien d'alarmant, mais mon pédiatre n'était pas disponible et j'avais pas envie d'aller aux urgences pour un motif qui ne nécessitait pas forcément. Donc j'ai téléchargé l'appli Lévis. On a eu la consultation du médecin en visio hyper rapidement et ça m'a vraiment bien rassurée. Il nous a prescrit le bon traitement que j'ai pu récupérer à la pharmacie de garde. Mon fils a pu passer une bonne nuit, donc merci Lévis. Lévis, un médecin en quelques minutes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour continuer d'explorer aujourd'hui ce continent que représente à lui seul la littérature d'Amadou Kourouma. Issu d'une caste noble de chasseurs-guerriers malinkés, Kourouma n'a jamais oublié les croyances animistes de sa jeunesse. Même s'il a fait ses études en France, a vécu en exil au Cameroun et en Algérie et mourra à Lyon en 2003 à l'âge de 76 ans. Sa vie, partagée entre l'écriture et de très hautes responsabilités dans le monde de l'assurance, nous a été racontée lundi par son biographe Jean-Michel Dian. Durant cette vie de guerrier griot et d'agace tyran, pour reprendre les titres de la presse française au moment de sa mort, il a bousculé la langue française comme Céline l'avait fait avant lui et a contribué à la renouveler en la malinquisant. Patrick Voisin nous l'expliquait hier. Et puis Kourouma s'est marié à une Française, Christiane. Elle vit encore aujourd'hui à Lyon. Nous serons demain en duplex avec elle avant d'écouter l'écrivain Nimrod parler notamment des proverbes chez Kourouma. Et aujourd'hui, aujourd'hui, deux invités également pour parler des influences, notamment africaines, de cet écrivain ivoirien. Je reçois en première partie Romuald Fonkoy, spécialiste de littérature dite francophone à l'université Paris-Sorbonne. Et en seconde partie, l'éditeur et journaliste Bernard Magnier, directeur de la collection Lettres africaines chez Actes Sud et qui a connu Kourouma. C'est la voix de l'un des écrivains majeurs de la littérature française. Vous voyez bien, je dis bien française, dans la mesure où il a été nourri aussi bien de Céline que de Rabelais, que de San Antonio, que de toute cette littérature foisonnante qui est peut-être la marmite commune de notre imaginaire. Les Soleils des Indépendances est un texte capital. Il paraît dans les années 60, fin des années 60, en 69. Donc, ici, vous avez votre mai 68. Et nous, on a eu notre année 69, qui a été le séisme des littératures africaines. Donc, c'est un livre de rébellion littéraire. C'est un livre qui refuse une écriture classique et qui propose une nouvelle forme de narration mêlant à la fois les cultures africaines avec les cultures occidentales. Bonjour Romuald Fonkoy. Bonjour. Vous avez reconnu Alain Mabankou, qui était interrogé ici par Benoît Lagan. Alain Mabankou, pour qui Kourouma est une référence, est-ce que vous diriez qu'il est devenu un classique pour toute une génération d'écrivains africains aujourd'hui? Un classique, c'est celui qu'on enseigne en classe, donc oui, Kourouma est devenu un classique. Y compris en Afrique? Y compris en Afrique, oui. Et dans quelle classe? À l'université ou également au collège, au lycée? À l'université, au collège et au lycée, parce qu'en fait on l'enseigne à l'université en œuvre complète, au lycée, au collège, par morceaux. Donc oui, c'est devenu un classique, parce qu'on l'enseigne en classe, mais c'est aussi un classique parce qu'il a révolutionné, et Alain Mabankou a raison, a révolutionné la représentation qu'on se faisait du romancier africain. Est-ce que donc, quand on le lit en classe, quand on l'étudie dans les universités africaines, par quel aspect est-ce qu'on prend sa littérature ou son message politique ? Ben, on le prend précisément par le biais politique. C'est-à-dire que Les Soleils des Indépendances, c'est un roman sur les sociétés africaines au lendemain des indépendances, comme son titre l'indique. Cette société de la gabegie, de la dictature, du renoncement, cette société africaine qui, au fond, au sortir des indépendances, ou bien à l'entrée des indépendances, est une société qui, finalement, n'a pas su maîtriser son destin. C'est un peu le point de vue politique qui se dégage de la lecture que l'on fait aujourd'hui des Soleils des Indépendances ou que l'on enseigne dans les classes. Donc c'est plus post-colonial que colonial, parce qu'on peut trouver les deux choses chez Amadou Kourouma, la critique de la colonisation, la critique du post-colonial. Ah, c'est surtout la critique du post-colonial, plus que la critique de la colonisation. Quand on lit le roman et qu'on regarde simplement le personnage de Fama, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout la période coloniale. Au contraire, la période coloniale pour lui était une période qui était parfaite dans les aspirations qui étaient les siennes en tant que commerçant, ou alors dans les aspirations qui étaient les siennes en tant que guerrier. C'est plutôt une critique qui est une critique post-coloniale. C'est pas du tout une critique coloniale. Et dans Monet, vous diriez la même chose ? Dans Monet, je dirais à peu près la même chose. Oui, avec un regard qui est un peu particulier, c'est-à-dire que la société coloniale qu'observe Amadou Kourouma dans Monet, c'est la société coloniale africaine, c'est-à-dire qu'il regarde l'Afrique à partir de l'Afrique et non pas à partir de l'Europe. Et ce qui l'intéresse, c'est la manière par laquelle la société africaine a géré l'histoire coloniale en interne. Alors que les romans précédents regardaient la société coloniale du point de vue qui était le point de vue européen, donc du point de vue critique. Kourouma est beaucoup plus nuancé là-dessus. Il regarde la société dans sa dynamique propre. Et il explique comment est-ce qu'à l'intérieur de la société africaine, les élites traditionnelles ont eu à gérer en fait la question coloniale en présence effectivement des Européens. Alors du coup, c'est quand même intéressant de savoir dans quel pays on étudie Kourouma aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il y a des lieux en Afrique, des pays d'Afrique où c'est peut-être pas très bien vu de poser ce genre de questions. Oh non, je pense que ça pose vraiment pas du tout de problème. J'allais dire, en gros, en dehors de la Côte d'Ivoire, et encore, il faudrait savoir à partir de quel moment. Je crois pas que ce soit les romans de Kourouma qui posent problème, en fait. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est que la société que peint Kourouma, lorsqu'elle est enseignée, par exemple, au Cameroun, n'est pas vue comme étant une société camerounaise. Lorsqu'elle est enseignée en Côte d'Ivoire, oui. Lorsqu'elle est enseignée au Sénégal, non. Donc, du coup, ça laisse une liberté, en fait, d'enseignement qui est assez grande. Les enseignements de Kourouma en Afrique sont totalement divers, et je crois qu'en fait ça permet que l'on puisse le lire sans que cela ne pose véritablement de problème à personne en tant que tel. Alors, Romuald Fonkoua, ses fils en littérature, on a pu en entendre déjà un exemple avec Alain Mabankou, mais quels seraient les pères littéraires africains de Amadou Kourouma? Vous-même, vous avez travaillé sur un certain nombre d'écrivains africains. On va peut-être pouvoir parler de chacun d'eux dans la perspective de ce qu'ils ont apporté à Amadou Kourouma. On peut peut-être commencer avec Aimé Césaire, à qui vous avez consacré une biographie. Est-ce que vous diriez qu'Aimé Césaire fait partie des personnes qui ont influencé Amadou Kourouma? Influencé, non. Je crois que Amadou Kourouma est sa propre influence. En fait, s'il est important, c'est précisément parce qu'il marque une rupture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas lu, par exemple, quand il commence à écrire, il n'a pas lu Césaire. Bah, je crois qu'il a lu Césaire, mais Césaire est poète, ce que Kourouma n'est pas vraiment. Mais sa langue est poétique. Oui, sa langue est poétique, mais son écriture ne l'est pas vraiment. Et le genre qu'il pratique n'est pas du tout le genre de la poésie, même s'il y a de la poésie dans son écriture. Je crois qu'il n'a pas de modèle, et tous les romanciers qui précèdent Kourouma, et c'est pour ça que c'est un romancier de la rupture, tous les romanciers qui le précèdent sont des romanciers que je pourrais appeler anticoloniaux. On les connaît. Mungo Betty en étant un, par exemple, d'écrivain. Ferdinand Oyono aussi. Donc toute cette génération de la littérature dite anticoloniale est une génération contre laquelle, finalement, Kourouma s'insurge, non pas de façon assez claire, puisqu'il ne tient pas de grands discours politiques, mais la perception qu'il a, justement, du roman est une perception qui n'a strictement pas grand-chose à voir avec le roman tel qu'il s'est pratiqué avant lui. Et on ne peut pas dire qu'il a un modèle qu'il suit. Je pense qu'il suit son propre modèle. Et son propre modèle, c'est comment raconter des histoires à partir d'un point de vue qui est un point de vue africain. C'est ça qui l'intéresse. Alors qu'avant, c'est comment raconter des histoires africaines en s'adressant aux Européens. C'est pas du tout ce qui l'intéresse. Son point de vue est un point de vue endogène. C'est raconter des histoires à partir de l'intérieur, selon des règles qui sont des règles du discours africain, selon des règles qui sont des règles du conte africain, selon des règles qui sont des règles de manière de raconter africaine. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui l'intéresse vraiment dans sa pratique du roman, c'est de pouvoir raconter des histoires de telle manière à ce qu'on puisse, en interne, en Afrique, les lire, j'allais dire à l'africaine, pour reprendre son expression. Et ça, c'est le premier à le faire. Est-ce que dans l'Afrique anglophone, on va trouver des équivalents de cette démarche-là? Oui, on trouve des équivalents de cette démarche-là, mais lui, il ne les connaît pas, ces équivalents. En 63, 64, 65, c'est pas véritablement, je veux dire à la période au cours de laquelle est en gestation les soleils des indépendances, cette Afrique-là est une Afrique, je n'avais pas dit qu'il la connaît pas, mais c'est une Afrique qui l'intéresse pas véritablement du point de vue de la pratique du roman. Il existe effectivement des préoccupations qui sont des préoccupations semblables dans le domaine anglophone, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors, Aimé Césaire, vous êtes aussi, outre lui, intéressé à beaucoup de monde, mais aussi à Édouard Glissant. Est-ce que là encore, on peut faire un lien, soit parce qu'il y a discontinuité, soit parce qu'il y a une forme de continuité entre Glissant et Kuruma? Ah non, je pense que, enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y a deux mondes, hein, entre Kuruma et Glissant. Mais quand j'ai deux mondes, je suis gentil. C'est-à-dire que entre celui qui essaie de raconter une histoire africaine à l'africaine et celui qui veut raconter des histoires à la martiniquaise, ça fait quand même deux mondes totalement différents. Le point de vue de romanesque de Kuruma est totalement marqué par des pratiques qui sont des pratiques de la littérature telle qu'elle avait cours dans la société de Côte d'Ivoire, bien du nord de la Côte d'Ivoire. Il est très, très marqué par le genre du Don Somana, on le sait très bien. Alors que Glissant, lui, est plutôt marqué par une volonté de recomposer une histoire, de reconstituer un monde qui est un monde perdu, de donner une fierté qui est une fierté à un peuple qui est issu de l'esclavage, à des descendants d'esclaves. Ce n'est pas le sujet du tout d'Amadou Kourouma. C'est pas son sujet dans les premiers romans. Il va y revenir, par exemple, en attendant le vote des bêtes sauvages, quand il parle de l'esclavage, c'est pas mal non plus. Donc, mais c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi c'est pas son sujet d'ailleurs? Pourquoi est-ce que selon vous, il ne s'empare pas de cette question-là? Bon, on n'est pas obligé, hein, de s'emparer de cette question-là, mais on peut aussi se demander pourquoi une question si importante pour ce continent-là n'a pas été un moteur pour lui. Parce que je crois que d'une part, il n'est pas obligé de parler de tout, et d'autre part, quand il s'en parle effectivement de la question de l'esclavage, il s'en empare à la manière des historiens. Un peu comme si on racontait justement la société africaine du passé. Il n'en fait pas un sujet de préoccupation permanente qui l'obséderait à tel point qu'il en ferait un roman. Ça fait partie de l'histoire, mais il y a aussi le présent et il y a aussi l'avenir, c'est ça? Ah oui, ce qui l'intéresse, c'est le présent. Ce qui l'intéresse, c'est l'avenir. Et je crois que tous ces romans, postérieurs au Soleil des Indépendances, montrent très, très bien que le présent, oui, il en est réellement soucieux. Il faudrait pas oublier non plus que c'est un actuaire et que ce qui l'intéresse, quand même, c'est les chiffres, c'est les assurances. C'était pas alimentaire pour lui, c'était vraiment un métier qui l'intéressait profondément. Ah oui, non, mais c'est son vrai métier. Moi, je l'ai connu. On peut faire des métiers qui nous intéressent pas. Hein. Moi, je l'ai connu actuaire. Je l'ai pas connu écrivain. Et d'ailleurs, quand j'étais en culotte courte, c'est le cas de le dire qu'on est allé le voir. À l'époque, il dirigeait justement une école d'assurance et de réassurance au Cameroun. On lui a dit, mais vous êtes écrivain? Il a dit non. Je n'ai jamais écrit. On est au début des années 80, quand même. Ah bah il a menti alors quand même. Bah il a grossièrement menti, mais en fait, il voulait pas qu'on l'ennuie avec ça, je crois. Et donc on était vraiment allé le voir. On était deux ou trois, par curiosité. Il nous a dit non, c'est pas moi, c'est un autre. Pourquoi ? Quel rapport ça, il pouvait avoir avec l'écriture s'il ne voulait pas qu'on sache presque qu'il était écrivain ? Parce que quand même, il avait publié un roman qui avait été commenté dans le monde entier. Oui, sauf au Cameroun. Les soleils des indépendances arrivent très très tard au Cameroun en fait. Hein, et en plus, rétrospectivement, je crois comprendre pourquoi il avait cette attitude-là en vivant dans un pays qui était politiquement aussi explosif que le Cameroun de l'époque et en fréquentant les hommes politiques qui vont servir finalement de modèle à son roman en attendant le vote des bêtes sauvages, puisqu'en fait le chef de l'État du Cameroun, qui est un personnage du roman, on comprend longtemps après qu'il s'en est vraiment inspiré puisqu'il a vécu avec lui. Et je crois qu'en fait il voulait pas apparaître comme étant un romancier, parce que quand on était romancier au Cameroun, on était forcément dangereux. Le modèle Mongo Betty, il en avait souffert déjà, puisqu'il avait dû s'exiler, enfin on l'avait en fait exilé de Côte d'Ivoire. Oui, mais nous on le savait pas à l'époque. Vous aviez quel âge? Une petite vingtaine d'années, un peu plus peut-être. Et quel effet vous a-t-il fait ? Quelle impression ? Quand il nous a dit qu'il n'était pas écrivain, il nous a pas intéressé du tout. Donc, du coup, on est tous partis. En plus, on était venus le voir parce qu'on avait une petite revue où on voulait absolument. Comment ça, vous n'étiez pas intéressé par les actuaires ? Non. S'il nous a dit qu'en fait ce qui l'intéressait c'était actuaire, nous on comprenait pas très bien ce que c'était qu'actuaire d'ailleurs à l'époque. Hein, c'est quoi un actuaire d'ailleurs ? On comprend toujours pas très bien. Il travaille dans les réassurances. Calcul de probabilité d'assurance. Bon, d'accord, c'est très très bien tout ça, mais on s'en fichait complètement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'il nous parle de littérature. On n'était pas très nombreux à l'époque, en plus, à s'être intéressé à lui. Et il vivait, si j'ose dire, à 200 mètres de l'université, quand même, à l'époque. Alors, écoutons-le justement parler un peu de littérature. Dès que j'ai commencé à lire, dès que je me suis intéressé à la lecture, je me suis intéressé à Céline. Parce que Céline avait une méthode de créer le français parlé. Et moi, je me suis proposé, moi, de décrire la langue malinké parlée en français. Donc Céline m'a servi d'exemple. Et c'était ça le plus important, c'est Céline que je lisais. Et même encore maintenant, c'est dépassé. Chaque fois que je commençais un livre, je lisais tout ce que j'avais sur la main sur Céline avant de recommencer mes livres. Alors vous voulez dire que c'est Céline, donc ce grand misanthrope, cet homme qui n'aime pas trop les hommes des autres couleurs, qui vous a donné la permission d'écrire? Ses idéologies, parce que je crois il y a une confusion en ce qui concerne Céline. Céline a détester les hommes à cause des massacres de la guerre 14-18. Les massacres de 14-18 ont fait de Céline un misanthrope qui n'aime pas les choses. Mais sa technique de traduire la langue orale, la langue écrite, m'a beaucoup séduit. Amadou Kourouma qui parle de Céline au micro de Paul Ajac. C'est intéressant évidemment ce qu'il dit sur cet écrivain français. Vous nous avez dit qu'au fond les influences des écrivains africains qu'il avait précédés n'étaient peut-être pas primordiaux chez lui. Est-ce que Céline l'est ? Et est-ce qu'on peut citer alors à ce moment-là d'autres écrivains français dans ce qui a constitué son inspiration ? Ben, c'est quand même le premier à avoir reconnu, officiellement, une influence célinienne, ce qui est Comment ça a été perçu, ça? Je crois que c'est d'ailleurs la réaction de Paul Ajac est assez « Ah bon, Céline, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je pense que cette influence-là, elle est assez frappante. Et qui montre très bien l'univers dans lequel se trouve Kourouma. Il est dans un univers littéraire. Le Céline qui l'intéresse, c'est le Céline littéraire. Et je crois que Mongo Betty ou Ferdinand Oyono n'auraient jamais reconnu, même s'ils l'avaient lu, une influence de Céline, pour des raisons qui sont des raisons historiques. Je pense, et peut-être ce que je vais dire est une provocation, je pense que l'avantage de Kourouma, entre guillemets, c'est de n'avoir pas fait des études de littérature. Le désavantage de Mongo Betty et de Ferdinand Oyono, c'est d'avoir fait des études de littérature, donc d'être au courant de ce qui se passe en fait dans le monde littéraire en France. Quand Kourouma dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Céline. Quand je le lis, c'est parce qu'en fait, j'y entends une langue parlée, en fait, il lui donne l'autorisation, en fait, de pouvoir, lui aussi, en tant que romancier, mettre dans ses romans une langue qui est une langue parlée, mais qui est une langue africaine. Ce que les autres font, Ferdinand Yono le fait dans ses romans. Mongo Betty aussi le fait dans ses romans, mais à aucun moment donné, il ne revendique un modèle qui serait un modèle célinien, par exemple. Alors que là, Kuruma, il le revendique totalement. C'est de la provocation, courage, en fait. Ça, parce qu'il avait ce côté aussi aimant dire absolument ce qu'il pensait, mais on peut se demander jusqu'à quel point il n'y a pas un plaisir aussi, justement, du contre-pied et un plaisir un peu de la provocation. Je crois que s'il y a provocation, c'est pas de son fait. Je pense que quand il dit qu'il lit Céline, mais il le croit vraiment. Il dit simplement, c'est le modèle que j'ai en face de moi dès que je me mets à écrire. C'est après que ce fait devient effectivement subversif. Mais ce n'est qu'après. Je crois que sur le coup, il ne s'en rend pas compte. Et si on réentend l'extrait, on s'aperçoit que c'est Paul Ajac qui lui fait comprendre qu'il y a un problème. Alors quand il se rend compte qu'il y a un problème, il le fait à la Kuruma, il éclate de rire. Donc c'est le grand rire en fait de Kuruma qui dissipe en fait le problème posé. Mais quand il se revendique célinien, il le fait vraiment. Et c'est pas du tout chez lui ni de la provocation ni même une tentative de subversion. Non, pas du tout. C'est son modèle littéraire. Souvent on entend dire que Rabelais est aussi un modèle littéraire pour Kuruma. Est-ce que vous le sentez aussi? Je le sens, oui, qu'il y a chez lui, comme chez Rabelais, une langue qui est une langue qui vient de loin, mais on a également dit qu'il y avait chez lui du Voltaire. Alors, il y a un collègue qui vient de publier justement un grand article sur Kuruma, écrivain voltairien, ou alors Voltaire, écrivain kurumien. Alors il s'est mis justement à jouer sur les deux tableaux. Oui, il y a bien sûr, comme chez Rabelais, il y a bien sûr la pratique d'une langue du terroir qui affleure justement à l'écrit. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de Kuruma, et c'est ce qui fait à la fois chez lui qu'il est à la fois un écrivain très classique et un écrivain très nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, il ne fait que reprendre des techniques qui sont des techniques très, très anciennes de la production du roman, qui font remonter à la Renaissance. Et donc, Rabelais, de ce point de vue, oui, peut-être considéré comme étant son frère en littérature. Même s'il y a 300 ans d'écart entre les deux, sinon 400 ans. Alors, Romuald Foncoix, on a l'impression que Kuruma en Afrique est aujourd'hui devenu un mythe. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous aussi, et comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Vous voulez dire mythe littéraire? Un mythe littéraire et puis une personnalité quand même. Ah oui, une personnalité, c'est sûr. Une personnalité comme tout écrivain qui, à un certain moment donné, a dû prendre parti pour ou contre des sujets sociaux. Oui, je pense que c'est une grande figure, en tout cas, de la société africaine contemporaine ou des sociétés africaines contemporaines. Non seulement parce que, comme je le disais, il a pris parti, et dans un pays qui est un pays en proie à des soubresauts politiques importants comme la Côte d'Ivoire, avec la question de l'ivoirité, avec des idées aussi nauséabondes que celles-là, il a bien fallu à un certain moment donné qu'il compose avec cela. Alors justement, sur cette question de l'ivoirité, comment est-ce que lui intervient dans ce débat auquel il n'a pas pris parti directement, mais d'une certaine façon, il est un référent auquel... Si, il a pris parti directement. Au début, il a commencé par dire ben, « ça ne me concerne pas », il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus important que ça, il a vraiment pris parti. Parce qu'au début, il a toujours tendance à dire « ça ne me concerne pas », c'est de la même façon que chez Céline, ce qui l'intéresse, c'est la littérature. Là aussi, il aborde la politique toujours un petit peu de biais par la tangente, oui. Par ce qu'il lui ressent, lui. De biais, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il esquive, en fait. Hein. Je crois que c'est quelqu'un qui avait, je crois, du mal à dire franchement les choses alors qu'il disait la vérité. Et donc il a pris parti contre l'ivoirité de façon absolument claire. Mais il me semble que c'est aussi une grande figure parce que c'est celui qui a révolutionné le regard que l'on peut porter aujourd'hui sur la littérature. C'est-à-dire que la littérature n'est plus le lieu de l'engagement anticolonial comme c'était le cas avant. C'est d'abord le lieu de la rencontre avec des lecteurs, du récit d'une histoire, d'une bonne histoire, d'une très bonne histoire qui peut être lue ici ou là sans que ça ne pose de vrais problèmes. Et c'est aussi celui qui, au fond, revendique la liberté que l'écrivain doit avoir dans un pays, même si celui-ci est en conflagration profonde. Oui, l'écrivain doit faire œuvre de littéraire. Parce qu'en Afrique, l'écrivain doit jouer un rôle critique, dénoncer des problèmes, parler de ce qui se passe. Est-ce que vous diriez, un petit peu comme il y a une place de l'intellectuel en France, que lui, il a vraiment ce rôle de l'écrivain africain, si on peut comme ça essentialiser? Il a le rôle de l'écrivain africain, mais il n'a pas le rôle de l'écrivain africain engagé. Il s'est d'ailleurs désengagé, si j'ose dire, de cet engagement-là. Et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à la littérature, parce qu'il a refusé que la littérature, justement, soit enfermée dans le ghetto de l'engagement, précisément. Et tous les écrivains qui viennent après lui doivent, en fait, cette libération. Comme qui, par exemple, qui s'en revendique? Alain Mabankou, qui s'en revendique, Kossi Efoui, enfin, toute cette... Ça a vraiment changé la littérature africaine, pour vous, l'arrivée de Kuruma, son passage? Ça a complètement changé le regard que l'on porte sur la littérature, le regard qu'on porte sur les écrivains, du point de vue du rapport de la littérature aux politiques. Parce que c'était là que se trouvait justement l'enfermement. Que tous les écrivains, toutes les littératures, tous les auteurs devaient absolument prendre parti pour et contre le politique, faire un roman qui était un roman d'engagement. Enfin, tous ces sujets-là qui, au fond, faisaient que il n'y avait pas de différence entre les écrivains. Un écrivain était égal à un autre, un roman était égal à un autre, un pays était égal à un autre. Or, ce qui fait, me semble-t-il, la particularité de la littérature, c'est la différence. Mais encore aujourd'hui, on a tendance, et les journalistes peut-être sont fautifs, à chercher toujours la politique, à chercher toujours les mêmes questions chez ces écrivains africains. Et moi-même, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de l'esclavage? Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'à un moment donné, les écrivains sont obligés, et encore aujourd'hui, même après lui d'une certaine façon, sont obligés de chercher des thèmes politiques pour finalement avoir une exposition aussi? Je ne sais pas si les écrivains contemporains vraiment cherchent à mettre les thèmes politiques dans leur roman. Hein. Enfin, les trois que je viens de citer là, mais j'aurais pu en citer une dizaine. Leonora Miano, par exemple, écrivaine camerounaise contemporaine. La question du politique est présente chez elle, certes, mais cette question-là, elle n'est pas du tout faite à la manière justement de l'engagement précédent. La littérature est sortie, je crois, en Afrique noire, à partir de Kuruma, de ce ghetto dans lequel on enfermait effectivement les écrivains, et qui faisait qu'au fond ils n'avaient même pas la liberté de faire de la littérature simplement. On leur demandait de faire un type de littérature, une sorte de littérature absolument précise, avec des ambitions qui étaient des ambitions très, très précises, dire une réalité politique, dénoncer le colonialisme, le post-colonialisme, le néocolonialisme et tous les ismes qui posaient des problèmes à la société africaine. Et la liberté de l'écrivain consiste justement à refuser, y compris de s'engager. Et ça, c'est ça la subversion. Dans les soleils des indépendances, quand on analyse, on s'aperçoit que la question de la démocratie, par exemple, est une question qui a tout à voir avec la littérature et rien avec la politique. C'est vraiment la démocratie du roman, en fait. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Romuald Fonkoy, vous restez avec nous. On va accueillir dans quelques instants le journaliste et éditeur Bernard Magnier, qui a connu Amadou Kourouma. Mais tout de suite, laissez-moi vous présenter Alexis Broca du magazine littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. On connaît votre tropisme pour la littérature sud-américaine. Vous avez lu aussi, il y a quelques années, Amadou Kourouma. Tout à l'heure, avec Bernard Magnier, on essaiera de se poser la question des liens qu'il peut y avoir entre Garcia Marquez et Kourouma. Mais avant tout, avant Avant toute chose, j'aimerais vous poser à vous la question, est-ce que vous voyez, vous, des liens entre ces deux grands auteurs ? Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais lu, en attendant le vote des Bêtes Sauvages, je vivais sous perfusion de Garcia Marquez, littéralement, et j'avais été très frappé de retrouver des éléments que j'avais déjà vus, je pense, dans l'automne du patriarche de Garcia Marquez, sur la dictature, notamment ce mélange de magie ancienne et d'apparat moderniste. Ce mélange aussi chez la figure principale du roman d'un extrême courage et d'une extrême brutalité, d'une extrême violence. Et j'avais l'impression en effet qu'on aurait pu dessiner à partir de ces deux romans, puis peut-être en ajoutant la fête au bouc de Vargas Llosa, une sorte de typologie de la dictature en littérature. Voilà. Après, il est sûr que la langue de Koruma est différente de celle de celle de Marquez dans l'automne du patriarche. Professeur Fonquoi, est-ce que vous pouvez nous corriger la copie d'Alexis ? Oui, il a 18. Hein, à 18, hein. Ouais, encore un petit peu de points à grappiller. Mais vous allez 20 non plus. Exactement. Vous allez les grappiller, Alexis, grâce à la deuxième épreuve, qui est l'épreuve qui concerne directement un dossier avec un appel de une sur la question de l'identité française dans les romans de la rentrée, Alexis. Voilà, alors en fait, on s'intéresse à cette identité française telle qu'elle est décrite dans la littérature récente. C'est une grande enquête signée Hubert Prolongeau. Alors, je ne vous cache pas que c'est un sujet sensible. On s'est beaucoup interrogé sur l'opportunité de le faire. Et puis, ça sourdait vraiment des romans récents. Donc, on y est allé. Et en effet, c'est un sujet qui se trouve à l'intersection de la politique et de la littérature. Lorsqu'on entend nos hommes politiques se disputer Peggy, lorsque Houellebecq joue brillamment des peurs contemporaines et qu'il est commenté par un ministre, ou lorsque Renaud Camus invente un concept comme le grand remplacement qui connaît un certain succès à l'extrême droite. Ça, c'est une chose. Et puis une autre chose, c'est qu'on se dit bien sûr que la littérature, elle fait partie de notre identité, en ceci qu'elle définit des grandes figures, des signifiants qui viennent nourrir l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que c'est que la France pour un grand lecteur ? Après tout, c'est Roland Mourant mourant glorieusement et orgueilleusement à Roncevaux, c'est Emma Bovary qui s'embête dans sa solitude, c'est les grands romans populaires d'Hugo, ce sont les Fulgurances de Rimbaud ou bien les Cochoncetés de Louis-Ferdinand Céline, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, nos écrivains, à propos de cette identité ? Bon, on retrouve deux courants, en fait, un peu comme en politique, sauf que les nuances y sont plus prononcées. Un courant qu'on peut rattacher à l'affirmation de De Gaulle sur le peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Vous avez par exemple un Alain Finkielkraut qui refuse la xénophobie, mais qui refuse aussi que l'on renonce à soi-même pour accueillir l'autre, voilà, et qui reproche un peu à l'Europe d'avoir remplacé par le cosmopolitisme notre fameux universalisme à la française. Vous avez cette citation de Denis Tillinac qui dit... Une de mes amies musulmanes a dit s'être sentie française le jour où elle a été émue par une église romande dans un petit village. Être français, c'est ça. Voilà. Et vous avez de l'autre côté des auteurs qui défendent une vision de l'identité qui est beaucoup plus mouvante, plus cosmopolite, qui se rattache peut-être à une vision plus scientifique de l'histoire avec ses idées de population croisée. Vous avez par exemple une sociologue qui s'appelle Kaoutra Archi, sociologue et romancière, qui a écrit Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne, qui s'intéressait à des auteurs qu'on classe dans la francophonie. Vous avez Majid Cherfi, le chanteur de Zebda, qui lui raconte son expérience dans Ma part de Gaulois, à la fois son attachement à sa langue française et des rejets qu'il a pu subir. Voilà, donc on a vraiment deux visions différentes de l'identité française, et peut-être que ces deux visions vont finir par constituer une sorte de nouveau roman national, une nouvelle mythologie française. Voilà, peut-être que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Alors, évidemment, quand on entend ça, Romuald Fonquoi, on ne peut que penser à Kuruma, qui écrit en français, mais qui considérait le français comme une langue étrangère, qui a vécu en France, mais qui était indépendantiste, qui est mort même en France, à Lyon. Comment est-ce que, sur cette question de l'identité, il pourrait venir s'insérer ? Quelle serait la problématique le concernant, viendrait s'appliquer à sa littérature ? Je disais, je ferai mon Kuruma, oui, il y a cette question-là, c'est très compliqué, la question de l'identité. C'est justement parce que c'est compliqué que c'est intéressant. Et si on envoie justement à l'ivoirité de tout à l'heure, on voit très bien que ça pose quelques petits problèmes. Non, je ne suis même pas sûr que cette question-là se pose à Kuruma, en fait. Je ne suis pas sûr que la question de l'identité telle qu'elle est, telle qu'elle est abordée là, c'est-à-dire les deux courants de l'identité française qui, au fond, semblent s'opposer aujourd'hui alors que ça ne s'oppose pas du tout. Mais quand on entend Majid Scherfi qui dit comment faire que le français soit une langue qui m'appartienne aussi, oui. Là, on a l'impression de retrouver la démarche de Kourouma. Oui, mais Majid Scherfi, il est toulousain, il n'est pas ivoirien. Il est né, il a grandi en France, et ça change tout. Tous les écrivains que vous avez évoqués tout à l'heure, là, ce sont des écrivains français. Il faudrait peut-être le rappeler. Tout à fait. Ou Kourouma est français aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Et je crois que cette distinction-là, elle est vraiment importante. La question de l'identité que vous posez est une question qui est très française. J'allais même dire franco-française, j'allais même dire métropolo-centrée. Et tous les écrivains que vous venez d'évoquer, pour moi, sont métropolo-centrés. Que ce soit Tillinac ou Majid Scherfi. Pour moi, c'est des métropolo-centrés. Ça n'a strictement rien à voir avec les questions de l'identité telle qu'on pourrait les aborder à partir de Kourouma. Voilà une manière de faire un nouveau dossier peut-être dans le magazine littéraire. C'est vrai que c'est pas la même question. C'est vrai que alors Kaguta Arachi aborde un petit peu cette question en parlant d'écrivains qui écrivent le français depuis l'étranger, mais qui voilà, le titre dit très bien le paradoxe d'ailleurs. Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Voilà. Après, j'ai toujours une crainte lorsqu'on range des écrivains comme ça, qu'on dit d'expression française dans ce nuage qui s'appelle la francophonie. Oui, c'est une façon. On en parlait hier justement. Voilà, c'est une façon de les évacuer. Souvent, c'est une façon de les évacuer, de les mettre de côté, des extraits du débat et de les ranger dans un petit îlot comme ça. C'est peut-être un peu, c'est couper le dialogue en fait pour moi. Merci Alexis, à très bientôt. Deuxième partie de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Je vous propose, avant de retrouver Bernard Magnier, d'entendre un extrait des Soleils des Indépendances, extrait sur la jalousie entre les épouses du personnage de Fama. Fama et ses deux femmes occupaient la petite pièce avec un seul lit, un seul tara, un lit en bambou. La femme, celle à qui appartenait la nuit, montée à côté du mari, et l'autre se recroquevillait sur une natte au pied du tara. Mais Salimata, pour être féconde, ne sautait au lit qu'après avoir longuement prié, brûlé des feuilles, s'être enduite de beurre et avoir dansé. Dansé jusqu'à en perdre le souffle et la raison. Sorcellerie, prière et danse étaient gênées. Mariam gênée. Et elle était moqueuse comme une mouche. Et disait-on, féconde comme une souris. À chaque réveil, Salimata regardait le ventre de la coépouse. Et le ventre semblait pousser. Oui, il poussait. Salimata devint jalouse, puis folle. Et un matin, elle explosa, injuria. Les deux coépouses, comme deux poules, s'assaillirent l'une au pagne de l'autre. Mariam voulait coûte que coûte tomber le pagne de Salimata afin que chacun vit la matrice ratatinée d'une stérile. Et Salimata dévêtir Mariam afin que tout le monde reconnût la chose pourrie et incommensurable d'une putain. On les sépara. Les injures fusèrent toute la journée, même la nuit. Une nuit qui appartenait à Mariam. Après les prières, on éteignit et on se coucha. Mais malheureusement, le tara grinçait. Salimata hurla. Le grincement, mon diable, trépigna, se précipita et les rejoignit au lit. Il s'ensuivit une lutte dans les ténèbres, combat de silures dans les fanges. On alluma. Salimata se précipita dehors, revint en pointa un coutelas et en hurlant « Je suis endiablé, le grincement, mon diable !» Fama et les voisins accoururent, maîtrisèrent la possédée. Les deux femmes durent coucher le reste de la nuit à même le plancher, chacune sur une natte. Et il en fut ainsi les nuits suivantes. Voilà, formidable extrait, lu avec beaucoup de brio par Chris Nyanguna. Bonjour Bernard Magnier. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet extrait qu'on vient d'entendre? Bon, on retrouve la truculence, on a envie d'entendre le rire de Kourouma derrière, quoi. Et on l'entend d'ailleurs. C'est vraiment un monde d'images que décrit Kuruma dans ses romans. Oui, c'est une langue. La première phrase des Soleils des Indépendances, il y avait une semaine qui avait fini Kone Ibrahima, ou disons-le en malinqué, il n'avait pas soutenu un petit rhume. C'est une phrase extraordinaire. On est déjà dans cette langue, dans cette truculence, dans ce rire. Ouais. Mariam était moqueuse comme une mouche et féconde comme une souris. Oui. Encore une autre formidable image. Oui, bien sûr. Kuruma, c'est avant tout, je crois, la langue. C'est vraiment quelqu'un qui prend les mots. Effectivement, on a parlé du malinké et du français. Et il trouve la source dans le malinké, de cette truculence. Mais il est un auteur goûteux par sa langue. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes aussi éditeur, directeur de la collection Lettres africaines chez Actes Sud. Vous publiez par exemple Nimrod, qu'on va entendre demain, mais aussi le Congolais Emmanuel Dongala, la Franco... Qui peut être un descendant petit peu d'Amadou Kuruma. C'est quelqu'un qui se revendique. On lui posera la question, mais peut-être vous pouvez nous dire en quoi, dès maintenant. Dans sa démarche de mettre la littérature au-dessus de la démarche politique, c'est la littérature qui prime chez ses auteurs, même si leur propos est politique, mais... C'est par le biais des mots, de la phrase, de la construction, de la littérature. C'est pas un engagement militant immédiat. C'est un engagement qui passe par le créatif. Et parmi les autres écrivains que vous publiez, je sais pas, il y a André Brink, il y a Véronique Tadjo. Est-ce que là encore, vous voyez des descendances? Véronique Tadjo s'en revendique. Tout à fait. Pour les autres, non, c'est des mondes différents. Brink ou Shoyinka, non, il peut pas y avoir. C'est un univers plus anglo-saxon, de toute façon. C'est un univers complètement anglo-saxon. C'est même s'il peut y avoir des parallélismes, hein, entre ces démarches. Mais c'est pas la même chose. Mais pour se revendiquer, oui, Dongala, Véronique Tadjo, oui. Alors, vous n'avez pas publié Kuruma, puisque tous les livres sont au seuil de Kuruma, mais en revanche, vous l'avez connu, même assez bien connu. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui, je l'ai rencontré la première fois pour l'interviewer. Et je me souviens être allé le rencontrer dans un grand hôtel derrière l'Opéra où il y avait un congrès d'actuaires. Oui, alors c'est exactement ce que nous dit Romuald Foncois. C'est-à-dire que vous avez rencontré l'actuaire. Vous n'avez pas rencontré l'écrivain. Au début, j'ai vu un très grand monsieur en costume cravate et on connaissait Monsieur Kuruma dans cet univers et il était l'actuaire. On ne savait pas qu'il était écrivain. Et moi, je ne connaissais que l'écrivain. J'ignorais tout de l'actuaire. Et comme beaucoup, j'ignorais ce que signifiait actuaire. Bon, et je rencontre ce monsieur et il y a une immédiate sympathie. C'est quelqu'un qui est simple dans le rapport, qui ne se... On va discuter, bah oui, on va discuter, on fait une interview. Oui, il aime pas beaucoup ça, mais il le fait bien volontiers. Quelqu'un de très il gentil. Il le fait pour faire plaisir. Oui, je pense que pas uniquement, il y voit bien peut-être l'intérêt qu'il peut y avoir à parler de sa littérature. Mais ça ne le passionne pas quand même. Son travail, il l'a fait en écrivant ses livres. En parler après... C'est pas. On est en à fin des années 80 là. On n'est pas dans le Kuruma qui a reçu les prix littéraires. Mmh. On est avant la publication de son deuxième livre, Monet. Parce que ça change beaucoup de choses quand il reçoit le prix du Livre Inter et le Renaudot pour lui. Disons qu'il est, il s'habitue aux médias. Il est de plus en plus invité en radio, en télévision. Il a des rencontres publiques. C'est un homme un petit peu différent. Faut penser que Kuruma n'a jamais été jeune en littérature. Mmh. Son premier livre, il le publie, il a 40 ans. Le deuxième, il en a 60. Le succès, il l'a 70. Donc c'est quelqu'un qui est très mûr. Il est pas jeune homme en littérature, jamais. C'est quelqu'un qui a réfléchi. Et le succès ou l'insuccès, c'est pas que ça l'indiffère. Mais il prend ça avec sans doute beaucoup plus de recul que quelqu'un qui aurait 25 ou 30 ans. Et puis vous l'avez accompagné aussi dans des rencontres. Vous l'avez accompagné dans des bibliothèques. Vous l'avez accompagné même... dans les hôpitaux de Paris. Oui, on a fait ça ensemble. Oui, il y avait dans les années 90, fin des années 90, alors là déjà il était un auteur à succès, et il s'était prêté à cet exercice d'aller les midis, entre midi et 13h ou 13h, 14h, dans les bibliothèques des hôpitaux de Paris. Et on a fait la tournée, pas tous les hôpitaux, mais quelques hôpitaux, il y avait un public extrêmement réduit, et là encore, il était d'une disponibilité vis-à-vis de ce public qui était extraordinaire. C'est-à-dire que ce soit un colloque à la Sorbonne, une émission sur France Culture, ou cette petite rencontre dans un hôpital de Paris, il était le même, j'allais dire, peut-être qu'il était plus disponible à la dernière qu'aux premières. Est-ce qu'il est allé dans des hôpitaux pour enfants? Parce qu'il a aussi écrit des livres pour enfants. Oui, alors, il est allé aussi dans des classes. Je me souviens d'une rencontre au salon du livre de Montreuil. Et il était avec Dongala, justement, et Waberi, le Djiboutien. Et je leur demande, comme souvent, on finit une interview en disant « Et votre prochain livre ?» Et tous trois se sont aperçus à cette table qu'ils allaient écrire sur les enfants soldats. Et Kourouma disant « Ben moi, je réponds à une sollicitation des enfants soldats, des enfants de Djibouti qui m'ont dit « Mais vous êtes un grand écrivain, vous devriez écrire là-dessus. » Et d'ailleurs, le livre est dédié aux enfants de Djibouti. Aux enfants de Djibouti, c'est à votre demande que ce livre a été écrit. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est vraiment... quasiment à la demande des enfants, puisque en 94, ils s'étaient rendus à Djibouti. Ouais. Vous vous souvenez peut-être de ça, à l'invitation du Centre culturel français. Puis il avait visité des écoles et il avait rencontré des enfants chassés de Somalie par la guerre tribale. Et c'est ça qui lui a donné envie d'écrire ce livre. C'est une opération qui s'appelait Le Temps des Livres à Djibouti. Et effectivement, là, il avait été sollicité par les enfants. Et je me souviens aussi d'anecdotes disant que cet immense bonhomme de la littérature se prétend volontiers au jeu des questions avec les enfants. Ça, il aimait ça. Beaucoup plus, à la limite, qu'une question d'un journaliste. Et la démarche montre bien le fait que ce soit précisément par la demande, entre guillemets, hein, évidemment, des enfants qu'il ait écrit « Allah n'est pas obligé », ça montre bien que ce livre se réfère à des événements réels. Et que là, on est dans un livre qui mêle presque l'essai avec la littérature, et ce sera encore plus le cas dans son roman posthume, qui reprend les personnages d'Allah n'est pas obligé. On est toujours dans la réalité avec Kourouma, il part toujours de personnages qui sont réels. Hein. Et c'est quand même avant tout le roman qui domine, beaucoup plus que l'essai. On n'est pas dans la thèse, on n'est pas dans l'ouvrage de réflexion, on est dans l'ouvrage, le pur romanesque. Il nous emmène dans une histoire et il nous emmène dans l'humour. L'humour est sans cesse présent chez Kourouma. Allah n'est pas obligé. On présente des situations très très dures, très très difficiles, qui, pour les faire accepter, pour les écrire, il faut avoir de l'humour. Et je crois, on m'a posé la question, mais comment vous pouvez faire de l'humour avec ce qui arrive, ce qui est des gens qu'on coupe les bras, des gens qu'on tue, des gens qu'on coupe en morceaux avant de les tuer. Comment vous pouvez faire de l'humour? C'est que ceux qui font ça, eux-mêmes, je crois pas qu'ils prennent ça d'une façon dramatique. Je crois qu'il faut se mettre, c'est pourquoi je me suis mis un peu dans la peau d'un enfant soldat, d'un enfant de la rue qui fait la guerre, qui en même temps est un jeu. C'est d'abord, je crois, il faut pas oublier que ce sont des enfants et ils jouent et en tuant. Et ce sont ceux qui sont responsables, ce sont les chefs de guerre qui font qu'ils tuent leur père, qu'ils tuent leur mère pour se débarrasser d'une sorte d'initiation sinistre qu'on leur fait faire. Et c'est ce qu'il faut. Il faudrait trouver un langage à ces petits enfants pour pouvoir dire ces choses comme elles se présentent. C'est dans cet humour, Bernard Manier, que se trouve toute la finesse de Amadou Kourouma, qui ne se contente pas d'écrire un roman, j'allais dire, un peu trop directement... un peu trop évidemment politique, mais un roman complexe, justement, Allah n'est pas obligé. À chaque fois, il s'empare d'une thématique qui est lourde. Hein. C'est Kourouma, c'est les soleils des indépendances, c'est vraiment la suite des indépendances et les désillusions qui s'en suivent. Le Monet, c'est effectivement la colonisation et les dérives qu'il y a pu y avoir. Les enfants soldats, les dictatures avec le quatrième livre. On a là des thématiques d'une extraordinaire gravité, et pour arriver à en parler, lui choisit ce biais de l'humour. Et je crois que enlever l'humour du texte de Kuruma, c'est enlever quasiment l'œuvre ne tiendrait plus s'il n'y avait pas l'humour. Et c'est pas un humour qui on ne rit pas de la chose. On fait rire pour faire passer ce que l'on veut dire. Lorsqu'il dit que les enfants jouent, oui, les enfants jouent, évidemment, mais on les aide sérieusement à jouer. Mmh. On les aide à jouer parce qu'on les contraint. Et on les aide à jouer parce qu'on les alcoolise, parce qu'on les drogue. C'est ça aussi. Et ça, Kuruma ne l'a pas dit, mais le fait très bien passer dans sa littérature. Alors, on a intitulé cette émission, Bernard Magnier, Amadou Kuruma, entre Kafka et Kundera. C'est une expression qu'on vous a volée. Oui, vous avez bien fait. On vous l'a volée parce que franchement, on a trouvé ça étonnant. On n'a pas vu tout de suite le lien. Alors avec Kafka peut-être, on va en parler. Avec Kundera, c'est peut-être plus compliqué. Pourquoi est-il entre Kafka et Kundera, selon C'est vous simplement un classement alphabétique que je voulais signaler là-dedans. De même. D'accord, donc on ne s'est pas complètement trompé. Non, il n'y a pas de lien avec Kuruma, il n'y a pas de lien avec Kafka. Simplement, je voulais parce que dire... on a trouvé, du coup. Vous m'étonnerez. Mais c'est simplement pour dire, si on considère que c'est un grand écrivain, eh bien on le classe dans la grande littérature mondiale. Tout comme lorsque j'avais écrit que, pour moi, Cent ans de solitude, les soleils des indépendances étaient les Cent ans de solitude de la littérature africaine, c'est pas un rapprochement tant avec Garcia Marquez que le fait que ce livre est un monument, un moment important de l'histoire littéraire des deux continents. C'est simplement ça que j'ai voulu dire. Il y a des rapprochements qui existent, évidemment. Mais simplement, ces deux livres représentent une balise essentielle dans l'histoire littéraire des deux continents. Et si on fait une liste extrêmement courte des grands livres de ces deux continents, on peut pas oublier ni Cent ans de solitude, ni Les soleils des indépendances. Non, parce que nous, on s'était dit, oui, Kafka, en fait, c'est sans doute que Bernard Magnier pense à Gilles Deleuze, et à, notamment Kafka pour une littérature mineure, qu'il avait publié avec Félix Guattari en 1975 aux éditions de Minuit. C'est une interprétation possible. Oui, mais je vous avoue que j'ai absolument pas pensé à Deleuze en écrivant cette phrase. Je vous dis, c'est simplement mettre Kuruma parmi les grands. Il se trouve que ces trois-là portent la lettre K comme première lettre de leur nom. D'accord. Et Kafka, ce n'était pas parce que il a opté Kafka pour la langue allemande de Prague, qui est mêlée de tchèque ou de yiddish, ce qui du coup a rendu l'invention de Kafka possible, un peu comme Kuruma, finalement, opté pour la langue française de Paris, mêlée de Malinké. Malinké, yiddish, même combat. peut-être, non. C'est pas à ça que je voulais faire référence. Vous voyez, c'est quand même formidable la manière dont vous fertilisez finalement le champ littéraire en ouvrant des perspectives, finalement, presque sans le vouloir. Allah n'est pas obligé. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce titre qui fait référence à un proverbe. Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses d'ici-bas. Ce proverbe-là, dont on parlera d'ailleurs les proverbes demain avec Nimrod, ce proverbe-là, en quoi est-ce qu'il représente bien le livre selon vous ? Déjà, c'est comme pratiquement tous ces livres, ce sont des livres qui s'inspirent de l'histoire et qui l'anticipent. C'est-à-dire que ce sont des livres d'avenir. Il parle de sujets qui sont parfois passés, parfois présents, mais il en parle pour le futur. Et là encore, pensez ce titre avec ce qui a pu se passer depuis la publication de ce livre. Allah n'est pas obligé, gonflé, d'écrire un livre portant ce titre-là à ce moment-là. Et c'est un titre, on va dire prémonitoire, d'une certaine façon. C'est-à-dire. En quoi ce serait prémonitoire? Kuruma mêle dans son titre, la religion, le nom d'Allah, ce qui est quand même quelque chose de très fort et pas évident. Il n'y a pas beaucoup de titres qui portent ce nom. Et en même temps, il va nous parler dans ce livre des dictatures, des dérives, des grands personnages qui sont... Alors, c'est un livre qu'on peut lire sans connaître l'histoire africaine, et on lit un roman, on voit bien qu'il y a des dictatures, ou on connaît un tout petit peu l'histoire africaine, et on reconnaît un tel, et on s'amuse même à le reconnaître, à un tel et un tel. Bon, c'est assez facile de les distinguer. Mais en cela, il mêle la religion, la dictature, il dit des choses qui, d'une certaine façon, anticipe ce que l'on a pu connaître tout à fait récemment. Il n'a pas fait, évidemment, avec cet esprit de vouloir être prémonitoire. Lui, il voulait dénoncer les religions. Mais effectivement, le proverbe, le titre n'est intéressant que si on connaît la deuxième partie du proverbe. Le rapport à la religion, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure dans son œuvre ? Oui, c'est quelque chose qui est déjà présent dans les Soleils des Indépendances, qui est là, qui est sous-jacent. C'est quelqu'un, Kourma est un musulman, c'est quelqu'un qui est... Qui est pratiquant ? Oui, mais c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas du tout un dogmatique, hein, c'est pas quelqu'un qui met la religion en premier, c'est quelqu'un qui met la culture, la tradition. Alors si dans culture et tradition on met la religion, là on est d'accord. Kourma, je dirais qu'il est peut-être avant tout chasseur. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui est inspiré par ça, qui est chasseur de quoi ? Parce qu'on sait qu'il était chasseur dans son enfance, qu'il a plus que dans attrapé son enfance, des bêtes sauvages. Ouais, plus mais que dans c'est son comme enfance, dans ce sens-là que vous l'employez. Oui, absolument. Oui, il a continué de pratiquer, de connaître de fréquenter ces cénacles de chasseurs qui tiennent une place très très importante. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'appartient pas au cénacle littéraire. C'est pas un homme qui est un homme du livre en sens où il va nous parler des références littéraires. Oui, il donne quelques clés comme ça, mais c'est pas son affaire. Son affaire, c'est plutôt ancré sur le continent africain. Eh bien, merci beaucoup, Bernard Magnier, de nous avoir éclairé sur Amadou Kourma. Tout de suite, dans la compagnie des auteurs, c'est le moment de retrouver, comme chaque jour, la poésie. Voici Jacques Bonafé. Suite de la semaine, Butor, bonne foi, deux auteurs prolifiques. De bonne foi, on peut le croire, intimidant cependant comme Dieu le Père ou pas loin. C'est une pensée, bonne foi, une élocution. Mais tout Bonafé que je sois, bonne foi n'est pas mon poète. Il est loin, il ne vient pas à moi. Combien de ses poèmes restent bouclés, muets ? Et pour mieux le dire, je ne suis pas surpris qu'il ait pris en charge lui-même l'interprétation de ses textes. Superbe enregistrement des éditions Télème. Très bien. On entend, dirait-on, la voix intérieure du poète, solennelle, les ombres de sa caverne. Elles sont ténébreuses, souvent, mais ne seront pas notre guide pour parler bonne foi. Il nous faudra une autre voix. J'ai essayé, l'encore aveugle, poème étourdissant, des planches courbes. Les théologiens de cet autre pays estiment que Dieu est mais aveugle, qu'il cherche en tâtonnant entre des murs trop proches. C'est le monde, le petit corps criant, se débattant, aux yeux encore fermés, qui lui donnera un regard. Si toutefois il peut, de ses mains maladroites, d'avant le temps, en soulever les paupières. L'idée, le rêve de Dieu, le rêve de ce fond de la nuit qu'il nomme Dieu, ce serait simplement, me disent-ils, de devenir cette vie, appelée par ce qu'il imagine là, en avant, dans un regard. Le rêve, le désir qui naît de ces ravins, de ces blocs informes, de ce bruit très en profondeur de source, Dieu sait que ce quelque chose-là remonterait par le sang, par le cri, par tout le corps, vers ce qu'il n'a pas encore, un visage, des yeux. Non, Dieu ne cherche pas l'adoration, le front courbé, l'esprit qui l'invoque, qui le questionne, pas même le cri de la révolte, il cherche simplement à voir, comme l'enfant voit, une pierre, un arbre, un fruit, la treille sous le toit, un oiseau qui s'est posé sur la grappe mûre. Dieu cherche, lui, sans yeux, à voir enfin la lumière. Il prend, lui, l'Éternel, dans ses mains, le criant, le fugace, puisqu'il n'est de regard que dans ce qui meurt, et ainsi recommence-t-il dans chaque vie, et tant qu'elle peut voir, car la ténèbre vient tôt, son humble quête de seulement l'apparence. Il est plus que lui, il le sait, lui qui est le dedans, lui qui recourbe la chose sur sa forme, qui l'enténèbre, lui qui s'évase dans le vol des hirondelles criantes, dans le ciel bleu et même qui se déchire, qui se dilue dans la nuée, mais toujours du dedans, dessous la figure, dessous la masse, qui recouvre les failles et les blocs à l'infini de ce que ces théologiens me disent Dieu. Lui qu'on entend dans le grincement de la barrière le soir, sous le ciel qui est rouge et s'immobilise quand nous rentrons. Et c'est là, du dedans encore, dedans du bruit cette fois, et la nuit tombe, et qu'on retourne une pierre, voyez, me disent-ils, l'agitation des fourmis hors du monde. Voilà, Jacques Bonafé, comme chaque jour, dans la compagnie des auteurs. Merci encore à mes deux invités d'aujourd'hui, Romuald Foncoy et Bernard Magnier. Merci également à Laurence Millet qui réalise, comme chaque jour également, cette émission. À la console, il y avait Anthony Thomasson et à la préparation, Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Saut. Ce numéro, tout comme les précédents, peut être réécouté et podcasté sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis faire découvrir Kuruma à vos amis qui ne le connaîtraient pas. Demain, pour le dernier moment de notre semaine Kuruma, je recevrai dans un premier temps Madame Kuruma, la femme de l'écrivain, avant un second plateau qui consistera en un entretien avec l'écrivain Nimrod. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.